J'espère que vous allez bien. On va faire ça à l'ancienne. Je viens à l'instant de marcher sur mon casque et je n'ai plus de casque. Et ce que vous ne savez peut-être pas vous, c'est que lorsqu'on branche le micro de l'animateur, ça coupe le casque. Ça coupe plutôt le son du studio. Ça veut dire que je ne m'entends pas. Je vais considérer que vous m'entendez bien et que tout va très très bien se passer. C'est la saga des Fab Four numéro 219. L'album de la semaine, c'est Gone Tropo par George Harrison en 1982. Et on écoutera I Really Love You, également That's the Way It Goes. Il y aura Mystical One, Baby Don't Run Away, Unknown Delight et Dream Away pour finir, extrait de cet album-là. Il y aura aussi du Lennon, du McCartney, du Ringo Starr et des Beatles, comme par exemple pour John Lennon, I'm Losing You, tiré de Double Fantasy en 1980. Il y aura aussi Mrs. Vanderbilt par McCartney sur Ben on the Run. Harry's Song, tiré de Liverpool Hate en 2008. Le single Free as a Bird, celui qui nous a tous, fans des Beatles, tiré une larme en 1995. Le retour des Beatles. Et puis voilà, entre autres, pour le début de la saga, il y aura aussi et surtout, il y aura une cover en 17e position. Et cette cover, j'en suis très très fier parce que, écoutez bien, je vous ai toujours dit que vous, les internautes, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une cover. Et bien ça, c'est fait. C'est un groupe de copains qui ont une moyenne d'âge de 17 ans. Et je connais bien Thibaut, par exemple, sur ce groupe-là, puisque c'est le fils de ma meilleure amie Pascal. Il y a également Ondine, il y a également, oh zut, je l'ai pas sous les yeux, donc évidemment, je dirai la dernière personne plus tard. Ils vont nous faire un remake de Let It Be du plus bel effet. Voici la saga et le premier titre, I Really Love You, c'est George Harrison sur RG. You, I really, really love you. Je me devais, par respect pour les auteurs, de citer le nom de la troisième personne. Il y a donc Nicolas Castagnier, autant le dire les noms en entier, Ondine Sanfin-Guyon et Thibaut Malon, qui forment le groupe Les Peacemakers, qui seront là en 17e position pour vous faire une cover instrumentale de l'été de vie du plus bel effet. Vous verrez ça tout à l'heure. Pour l'instant, restez ici. Vous pouvez aller sur Facebook, sur le groupe La Saga des Fab Four. Vous pouvez aller également sur le groupe macaclub.com dans le chapitre de la saga des Fab Four et sur yellowsub.fr au même endroit, la saga des Fab Four à la date du jour. Vous parlez entre vous, vous parlez avec moi et on essaie de faire une belle émission. Je sais que aujourd'hui on est écouté de très très loin, d'abord sur Bordeaux sur 90.7 évidemment, mais également on est écouté depuis un peu partout en France, en Belgique, il y a en Israël David qui écoute, il y a en Inde George Johnny Fab Four qui nous écoute pendant très très peu de temps parce qu'il n'y a plus de batterie sur son portable, mais il nous avait promis, il est sur les traces des Beatles et on lui envoie un petit bonjour ici depuis Bordeaux. Il y a aux États-Unis Michael Honorato et également Iliane, je crois, qui doit avoir écouté, et sans doute Marie-Pierre et Edgar depuis la Floride. Et puis tous les inconnus, tous ceux que je n'ai pas l'habitude de rencontrer, vous qui n'osez pas intervenir sur le site, par exemple Facebook, c'est le plus simple, bien n'hésitez pas, vous vous inscrivez et vous venez parler avec nous en français, en anglais, si c'est de l'espagnol, ce sera sans moi, parce que je ne parle pas espagnol. Mais on peut toujours s'amuser. Voici John Lennon en 1980 avec ce titre, I'm Losing You, sur RG. où en 2011 par exemple, il me semble que Paul McCartney avait chanté cette chanson à Bercy, et les ho, hé ho, ho, hé ho, mais c'est, ça marche furieusement bien avec le public parce que ça swing bien et c'est vraiment, ça passe en concert. Il a eu une très très bonne idée d'incorporer cette chanson à cette liste. D'ailleurs, en 2011, c'était la dernière fois en ce qui me concerne, mon dernier concert de Paul McCartney. J'espère bien le voir en 2014, voire peut-être en 2015, ici en France, parce que, moi, me déplacer aux États-Unis, oui, bien sûr, dès que j'aurai gagné au loto. Mais pour l'instant, ça va pas être possible. Et donc, la prestation de 2011, c'était la 6e fois que je voyais Paul McCartney, et je m'étais dit à l'époque, bon sang, mais c'est dingue, ce gars a 69 ballets, et c'est sa meilleure prestation, à mon avis en tout cas, depuis que je vais voir Paul McCartney, le choix des chansons extraordinaire, le contact avec le public extraordinaire, et il adore ce qu'il fait ce gars-là, et c'est tant mieux qu'il continue comme ça. On te souhaite un bon rétablissement Paul, et puis tu reviens nous voir et passe par la France s'il te plaît, on t'attend ici en France. Voilà ce que je voulais dire. Nous avons écouté George Harrison, puis John Lennon, puis Paul McCartney. Il nous manque Ringo Starr, que voici sur RIG. Ringo Starr. Cette chanson de Liverpool 8, c'est Harry's Song. Of long ago, never fast and not too slow, a melody telling me something should last forever. In other days and different times, when June and moon would always rhyme, a boy and a girl romancing, dancing together. A friend, it's true. He sang songs like this for me and you. Whenever I hear without you, we're still together. Music. chanson suivante, nous repartons en 1995. Free as a Bird était essentiellement destiné à attirer l'attention sur le projet Anthology. Il s'agissait du premier single original des Beatles en 25 ans, réunissant au moins musicalement le groupe le plus populaire du monde. La folie médiatique qui entoura la sortie du single fut encouragée par les services marketing d'EMI. L'un des premiers communiqués de presse annonçait le single, dont les exemplaires sont actuellement sous la garde d'hommes armés dans un pays étranger, sortira dans le monde entier le lundi 4 décembre. Rien n'aurait pu se révéler à la mesure d'une telle attente, mais Free as a Bird réussissait néanmoins à rendre un son Beatles très convaincant, période de 1969. Le morceau souffrait pourtant d'avoir été composé à partir d'une démo inachevée d'une chanson de John Lennon, dont la voix avait été enregistrée sur un magnétocassette de mauvaise qualité. Cette aventure musicale débuta le 1er janvier 1994, lorsque Paul téléphona à Yoko pour lui souhaiter une bonne année. Ce geste de réconciliation entraîna d'autres conversations, puis une rencontre. Lorsque Paul assista à la cérémonie d'intronisation de John au Rock'n'Roll Hall of Fame, Paul et Yoko discutèrent de la possibilité de voir travailler les trois Beatles survivants sur des démos de John. Et Yoko proposa trois morceaux, Real Love, Grow Old With Me et Free As A Bird. J'ai immédiatement aimé Free As A Bird, raconte Paul, et j'ai aimé la mélodie. Elle avait des accords forts et me plaisait beaucoup. Ce qui était bien, c'est que John ne l'avait pas fini. Il y avait encore des passages où il bloquait. Cela voulait dire que nous allions devoir trouver quelque chose que j'allais, entre guillemets, travailler avec John. Ce dernier avait probablement commencé cette chanson chez lui à New York fin 1977. Le 4 octobre de cette année-là, lui et Yoko annoncèrent qu'ils avaient tous deux décidé d'une parenthèse dans leur carrière afin de se consacrer à l'éducation de leur fils Sean. En 77. Alors, c'est un peu louche, mais enfin bon, admettons. La plupart des chansons que John composa durant cette période traitaient de son existence d'homme au foyer. Dans I'm Stepping Out, Watching the Wheels, Beautiful Boys et Clean Up Time, il parla de l'étrange sentiment de liberté qu'il avait ressenti en abandonnant sa vie de star au profit de sa famille. Comme beaucoup de ceux qui ont été parfois meurtris psychologiquement dans leur petite enfance, John brûlait d'attirer l'attention et la rejetait lorsqu'il obtenait. Dans une interview pour Rolling Stone en 70, son premier commentaire fut « Si j'avais la possibilité d'être quelqu'un d'autre que celui que je suis, je le ferais. Ce n'est pas drôle d'être un artiste. » Un foyer familial stable était ce qui lui avait toujours manqué. Avec Sean et Yoko, il était déterminé à ne pas laisser passer l'occasion. Free as a Bird exprime sa joie de se sentir libéré des exigences de la célébrité et des pressions artistiques. Il était, comme il le chante, au chaud chez lui. Pour le couplet, John n'avait écrit que « Whatever happened to the life that we once knew ?» Qu'est-il advenu de la vie que nous avons connue ? Des lignes qui évoquent sa croyance en un passé lointain et parfait, déjà exprimé dans « Help, Strawberry Fields Forever » et « In My Life ». Le texte de Paul y ajoute l'idée de réconciliation, de la reconnaissance d'une amitié qui pourrait être la leur. L'enregistrement a eu lieu en février et mars 94 dans le studio de Paul, dans le Sussex. Les crédits des producteurs devaient être partagés entre les Beatles et l'ancien chanteur-guitariste d'Electric Orchestra, Jeff Lynne. L'enregistrement original de Paul sur cassette fut transféré sur bande et numériquement remasterisé. Nous avons ensuite pris la liberté d'étoffer le morceau en ajoutant de nouveaux enchaînements d'accords et arrangements, explique George Harrison. Voilà, c'est un petit peu long, mais ça valait quand même le tout de savoir l'origine de cette chanson et surtout que l'idée de Paul, l'idée qu'il a donnée à ses deux autres copains, c'est John nous a apporté la cassette, il nous a dit « Je pars en vacances, je suis sûr que vous allez faire quelque chose de bien. » Et comme ça, quelque part, John était avec eux au moment de l'enregistrement de cette chanson. Que voici, Free as a Bird sur RIG. Que de bons souvenirs avec cette chanson Free as a Bird sur RIG et John Lennon qui retravaille avec les Beatles. Comme quoi, peut-être que si, on pouvait faire avec les si, mais s'ils avaient été tous vivants en 1995, ils auraient pu ressortir au moins pour le plaisir, pour les anthologies, un album entier qui aurait sonné vraiment très très très bien, qui aurait cassé la baraque. Voilà, là c'est juste un seul titre, enfin il y en a eu deux puisqu'il y a Real Love aussi, et ces deux titres sont très très bons, ça nous fait, ça nous rend nostalgique, si, mais en tout cas il y a la saga des Fab Four pour ça, pour écouter la musique que vous aimez de John, Paul, Ringo et George. Voici justement George puisqu'on en parle, et l'album de la semaine, Gone Troppo. Nous sommes en 1982, cet album est assez décevant, il a fait mieux, mais il y a de quelques bonnes choses dedans, comme cette chanson par exemple, That's the way it goes sur RIG. Ça, c'est en 1982, l'album Gone Troppo. Et la même année, monsieur Paul McCartney, lui, se remet de la disparition de son meilleur ami et de sa meilleure influence, John Lennon, au niveau de la composition, puis un ami tout court même, carrément. Il se remet et il tente de reprendre pied en faisant ce qu'il sait le faire le mieux. Comme à chaque fois qu'il a un gros souci, il s'enferme dans un studio et il nous sort la plupart du temps quelque chose d'extraordinaire. Ce sera le cas avec Tug of War, sorti en 1982. Il y a des retours retrouvailles avec George Martin, par exemple, sur ce titre-là. Et George Martin, qu'il avait vu, avec qui il a travaillé en 1973 pour Live and Let Die. Mais ça faisait un petit moment qu'il ne s'était pas croisé pour le boulot. Le voici, Paul McCartney, avec ce très beau titre, Wanderlust. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé dans la saga. Et je voulais vous en faire profiter maintenant. Out to the pictures, John.

j'adore cette version de l'anthologie des Beatles, 8 Days a Week et 8 jours par semaine ou même 7 jours par semaine. Je vous invite à aller voir les pages de Lovely Rita qui est à Londres et qui dirige le Beatles Magazine qui est sur Facebook, sur Twitter, pour une fois que je pense à le dire du premier coup, sur Google+, et sur plein d'autres supports. Si vous voulez tout savoir sur les Beatles, vous allez la voir. Elle regroupe tous les fans mais aussi tous les animateurs radio qui font de la musique sur les Beatles. Il y a moi, il y a Michael Onorato dans le New Jersey, à New York, donc du côté de New York. Il y en a d'autres hein, du côté des États-Unis. Il y en a avec de la langue espagnole, je crois. Je ne sais plus trop où, mais il y en a un petit peu partout. Et donc, si vous voulez 7 jours sur 7, même 8 jours sur 7, tout savoir, rendez-vous sur les pages de Lovely Rita. Elle est indispensable. Merci pour tout le boulot que tu fais pour nous, Lovely Rita. Voilà, je voulais le dire et je l'ai fait. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. For you, what can I do for you? Here I am. Oh, my love. Oh, my love. Please look at me. Look at me, my love. Here I am. Oh, my love. Who am I? Nobody knows but me. Nobody knows but me. À l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Gontropo de George Harrison en 1982. Et voici un titre mystique, comme il savait faire, George. Mystical One sur RG. This world.

Galley, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Galley est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Nous sommes en 1964. Vous attendez la phrase, quelle belle année, bien évidemment. Et Baby's in Black, pardon, je ris moi-même de ma propre bêtise. Baby's in Black est extrait de l'album Beatles for Sale. Une chanson simple sur une histoire simple. Un garçon aime une fille, mais elle aime un autre garçon. L'autre garçon n'aime pas la fille. La fille est triste et s'habille en noir. C'est classique chez moi. Bref, en 1964, il était déjà devenu extrêmement rare que Lennon et McCartney se retrouvent dans une même pièce pour écrire une chanson entièrement ensemble, comme ils le faisaient précédemment. De nombreux titres étaient écrits en collaboration, mais cela voulait généralement dire que l'un d'entre eux apportait à l'autre une chanson inachevée pour qu'il y ajoute un couplet ou corrige un vers maladroit. À l'époque des titres composés en commun à la mode de Liverpool, dans une cuisine, une chambre ou un autocar, se terminaient déjà. Il serait un peu ridicule de se forcer à attendre que quelqu'un vienne finir votre chanson. Si l'on est seul, on peut tout aussi bien la finir soi-même, déclara Paul à l'époque. Mais si j'ai un problème avec un couplet sur une nouvelle composition, j'abandonne, sachant que quand je verrai John, il la finira pour moi. Baby's in Black est une véritable composition commune, la première depuis I Want to Hold Your Hand près d'un an plus tôt, John et Paul l'ayant composé ensemble dans une même pièce. Ce fut la première chanson enregistrée pour l'album Beatles for Sale. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette chanson. Heart of the country where the holy people grow. Heart Of the Country, maintenant sur RG, c'est extrait de l'album Ram. Et Paul McCartney, ça, c'était pas marqué dans la playlist, Pascal, c'est pas la peine de regarder. Paul McCartney, en 2013, a fait une petite reprise de Heart of the Country. C'est vrai que Paul McCartney, il faut pas se le cacher, a changé de voix. La voix est plus vieillie, elle est moins cristalline qu'elle était à l'époque. Alors, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est savoir réadapter parfois certaines chansons. D'autres fois, non. Mais faire ça, par exemple, sur Heart of the Country, écoutez, ça sonne très très bien en 2013. Dans une version différente. Il s'amuse là, Paul, il s'amuse tout simplement. Et j'en connais qui sont fébriles là. Par exemple Nicolas, Ondine et Thibaut, ils se disent ça passe quand ma cover, j'ai envie de l'entendre. Il y a même Tom qui a envie d'écouter son frère. Il y a Pascal, sa maman, des deux, de Tom et de Thibaut, qui a envie de dire ah, c'est moi, c'est mon fils, ça qui joue ça. Bon, il y a Ondine aussi et Nicolas, hein, bien sûr. Et puis il y a Baptiste qui est pas loin. Mais je sais tout, je vois tout sur mon ordinateur. Je sais que vous êtes en train de rigoler. Et donc juste avant d'écouter la cover, et j'y tiens parce que ce sont vraiment des amis. On écoute l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est George Harrison en 1982 et ce titre, Gun Trouble, est juste après la cover. To me, I love what's in your heart. mesdames et messieurs, c'est le moment de la cover. La cover, c'est une chanson que John, Paul, Ringo ou George, les quatre ensemble ou séparément, ont chanté et qui est reprise soit par quelqu'un de connu, soit par quelqu'un d'inconnu. Vous, un internaute, quelqu'un qui m'a envoyé son titre et qui c'est une chanson qui a été reprise par l'un des quatre. Même si à l'origine, par exemple, les Beatles en avaient fait une reprise. Genre, par exemple, Chuck Berry. Ils ont repris des chansons de Chuck Berry. C'est des reprises par rapport aux Beatles, mais vous avez compris le système, hein, et vous attendez cette reprise. Surtout que là, cette chanson que vous allez entendre, c'est un instrumental, c'est la première fois, c'est unique au monde, je suis le seul à posséder l'enregistrement que je vais diffuser à la radio, et cette chanson va être entendue en France, en Belgique, en Israël, en Inde, aux États-Unis, et puis grâce à Lovely Rita qui est à Londres et son magazine Beatles Magazine, elle va être entendue par plein de monde quand il y aura le podcast. Donc merci à Ondine, honneur aux filles, merci à Nicolas, merci à Thibaut, même s'il préfère DC Comics, alors que Marvel c'est tellement mieux. Ça n'a aucun rapport, c'est une private joke. Voici les Peacemakers, je suis content de moi, je l'ai dit à la radio, les Peacemakers et Let It Be dans une version bien particulière. Écoutez, j'adore. We'll be right back.

darkest deep brown eyes I've seen. Vous êtes bien sûr RIG 90.7 pour la FM autour de Bordeaux. Et si vous écoutez sur un ordinateur, sur un smartphone, sur ce que vous voulez, ça peut être à Bordeaux ou n'importe où dans le monde, aux États-Unis, hein, et puis ailleurs, eh bien, vous l'écoutez sur www.rigfm.fr. Nous sommes en 1976, une période creuse, franchement, pour Ringo Starr. Et pourtant, il y a toujours ses copains qui viennent lui donner un coup de main quand ils le peuvent. Voici une chanson surprenante, composée par George Harrison. Je trouve que ça n'est pas vraiment le style de George Harrison, mais par contre, ça va super bien à Ringo Starr. C'est sur l'album Rotogravure et le titre du morceau, c'est I'll Still Love You. Et je vais dédicacer dans ma tête cette chanson. Yeah. RIG 90.7, la radio des Beatles. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open possessing and caressing me. Wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. La version connue par tous, la version de Let It Be que je vous ai proposée ce soir dans la saga des Fab Four, la version de Across the Universe de Jamelon. Si belle chanson avec ce Jai Guru Dave à Home, Nothing's Gonna Change My World. Voilà, ça c'est plus facile à comprendre pour moi la fin que Jai Guru Dave à Home. Mais je crois que c'est un mantra, quelque chose comme ça. Bref, c'est pas le moment d'en parler. Je vous propose, parce qu'il faut se dépêcher, en 2006, Al Jarreau et George Benson sortent un best-of qui s'appelle Giving It Up, et ils invitent Paul McCartney pour un trio. Le titre du morceau, c'est Bring It On Home To Me. John Lennon l'avait chanté en 1975. Voici une version encore différente, puisque McCartney l'a fait aussi, avec ses deux compères. If you ever change your mind about leaving me behind, oh yeah, bring your sweet loving, bring it on home. your sweet loving. Bring it on home to me, girl. Yeah, yeah, yeah. You know I'll always be your slave till I'm buried, buried in my grave. Oh, honey, bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it on home to me. Voici le dernier extrait de l'album de la semaine, Dream Away, George Harrison sur Gontropo. Silent thunder, sky as black as day. Only a dream away. Centuries, you don't know where you land. It's so dark in mythology. Treasures of history to be found. Hear the legends of time. All the handiworks remain. Only a dream of. Greedy feeling, wheeling, dealing, losing what you want. See the dream come undone. Got so far, all you owe is apologies. Measure the mystery and the sound. Without taking the time, still the handiworks remain. Only a dream away. Orion, Orion. Orion, I am, Orion, I feel the lane.

seul mot grâce à Paul McCartney, Marvel Comic Rules. Un petit tac là, Thibaut, comme ça, gentiment. Allez, merci d'avoir écouté cette émission. Je vous laisse, comme d'habitude, en retard, mais avec le meilleur. Eric, dans quelques instants, pour Johnny de A à Z. Bisous aux filles, prenez une main aux garçons et je ne suis pas là la semaine prochaine. La semaine d'après, je n'ai pas encore mes horaires. J'espère que cette émission n'était pas la dernière. J'espère qu'on se retrouvera une dernière fois avant de s'arrêter fin juin pour mieux se retrouver au mois de septembre. Bisous, à très bientôt. Ciao.